Chapitre 11e. À 9h, Dantin arriva au Granty et par balai de pied fit passer son nom au président qui à ce moment causait avec son gérant. « Dantin, fit Adeline avec un mouvement de surprise assez bien joué, faites-le monter. » Puis s'adressant à Frédéric, un ami de Nantes. Vivement, il alla au-devant de cet ami qui, présenté de cette façon, devait passer inaperçu ou tout au moins ne provoquer aucune curiosité. Ce n'était point le premier provincial d'Elbeuf, de Rouen ou d'ailleurs, à qui Adeline faisait les honneurs de son cercle. Le malheur était que ces provinciaux, peu intelligents, se laissaient rarement séduire par les charmes du baccarat, ou, s'ils se risquaient quelquefois à pointer un louis au tableau de droite ou de gauche, ils allaient rarement plus loin quand ils l'avaient perdu. Les louis n'ayant pas du tout la même valeur à Elbeuf ou à Rouen qu'à Paris. À 7h, il n'y avait presque personne au cercle. Quelques vieux bien sages qui jouaient tranquillement au whist ou à l'écarté. Mais le baccarat chômait. Si Dantin était venu si tôt, c'est qu'il voulait passer l'inspection des lieux avant celle des joueurs. Ce fut ce qu'il fit avec Adeline en jouant le provincial à la perfection, c'est-à-dire avec une discrétion qui n'allait pas jusqu'aux gros effets du paysan, mais un homme de sa tenue qui, pour la première fois, pénètre dans un cercle parisien et, naturellement, regarde autour de lui avec curiosité parce que ce qu'il voit l'amuse et aussi le surprend un peu. Cependant, il fallait passer le temps. La promenade dans les salons ne pouvait se recommencer indéfiniment. Et d'autre part, deux amis qui se retrouvent après une longue séparation ne peuvent pas se mettre à lire les journaux en face l'un de l'autre. Verriez-vous un inconvénient à ce que nous fissions quelques carambolages ? Demanda Dantin. Il importe de gagner l'heure sans provoquer l'attention. Adeline eut un mouvement d'hésitation, mais il fut court. « Après tout, se dit-il. » Ils se mirent à un billard jusqu'à ce que l'arrivée des joueurs permît de commencer la partie. Alors ils passèrent dans la salle de baccarat. Mais les joueurs assis à la table n'étaient guère sérieux, et la galerie autour d'eux était peu nombreuse. Encore Dantin ne se laissa-t-il pas tromper sur la qualité de ces joueurs, qui pour lui n'étaient que des allumeurs chargés de lancer la partie avec quelques modestes jetons de 5 francs qu'on leur met à la caisse. Quant au banquier, c'était non moins certainement un autre allumeur qui avait pris la banque avec 15 louis avancés par la caisse. Si la partie avait marché pour de bon, le croupier l'aurait mené d'une autre allure. Entre la première et la seconde banque, Frédéric s'approcha de l'ami du président et les présentations se firent. « Monsieur Dantin. »« Monsieur le vicomte de Mussidan. »« Monsieur ne joue pas ?» demanda Frédéric, qui ne dédaignait pas d'allumer lui-même la partie, même au détriment des amis de son président. « Pour jouer, il faut savoir, » répondit Dantin, avec franchise et simplicité. « Et je vous avoue qu'à Nantes, nous ne cultivons pas encore le baccarat. Cependant, au moins dans ma société. C'est même la première fois que je vois jouer ce jeu. Il est bien facile. Il me semble. Je ne dis pas que je ne me risquerai pas demain, mais aujourd'hui je regarde. Il y a des choses que je ne comprends pas. Ainsi, pourquoi le banquier ne paye-t-il pas et ne reçoit-il pas? C'est le croupier qui paye et qui reçoit pour le banquier. Ah, c'est le croupier, le fameux croupier qui est assis en face du banquier. Je croyais qu'il n'y en avait pas dans les cercles. Frédéric s'éloignant en se disant que son président avait des amis vraiment bien naïfs, ce qui d'ailleurs ne l'étonna pas. Vous n'aviez pas besoin de si bien jouer l'ignorance, dit Adeline, quand Frédéric fut passé dans une autre salle. Le vicomte de Mussidan est le vrai gérant du cercle et c'est un autre moi-même. Pardon, je ne savais pas. Et Dantin se promit d'être circonspect. Si le gérant et le président ne faisaient qu'un, il fallait être attentif à veiller sur sa langue. Il avait reçu l'ordre de se mettre à la disposition de M. Constant Adeline, député, président du Grand I, afin d'aider celui-ci à découvrir des vols qui se commettaient dans son cercle. Mais quels étaient ces vols? Quels étaient les voleurs? Il n'en savait rien. C'était à lui de les trouver. Ou les chercher? Justement, parce qu'il connaissait les tricheries des Grecs, il était disposé à voir des voleurs dans tous ceux qui vivent du jeu. Joueurs de profession, croupiers, gérants. C'est là d'ailleurs une disposition commune aux policiers qui fait leur force. S'ils étaient moins soupçonneux, ils ne découvriraient rien. Tel qu'il avait vu Adeline la veille, il le jugeait le plus honnête homme du monde. Un brave et digne président, comme après tout il peut en exister. Mais si ce brave président ne faisait qu'un avec son gérant, et un gérant vicomte, c'est-à-dire un déclassé, la situation se trouvait autre qu'il l'avait jugée tout d'abord. et il était prudent de ne pas s'aventurer avec lui. Un député est un personnage influent, et c'est niaiserie d'agir de façon à s'en faire un ennemi, surtout quand on n'a que sa place pour vivre et qu'on désire la garder, ce qui est le cas de Dantin. Dans sa jeunesse, il avait volontiers joué les Don Quichotte, ce qui l'avait mené à être simple inspecteur de la brigade des Jeux à 45 ans. Il ne voulait pas descendre plus bas. Cependant, la partie continuait et Dantin la suivait avec la franche curiosité du provincial qui voit jouer le baccarat pour la première fois. De temps en temps, il adressait à Adeline discrètement une question que ses voisins pouvaient entendre en prêtant un peu l'oreille. Elles étaient tellement naïves, ces questions, qu'elles ne pouvaient venir que d'un provincial renforcé. Mais pour échanger quelques paroles avec Adeline de temps en temps, il n'en était pas moins attentif à ce qui se passait à la table, qu'il ne quittait pas des yeux, allant du banquier au ponte et du croupier au valet de service. Peu à peu, la partie s'était animée. Les joueurs étaient arrivés, et la misérable petite banque de 15 louis du début était montée à 100, à 200, à 500 louis. Il avait été convenu entre Adeline et lui que, quoi qu'il vît, il ne lui dirait rien, car Adeline voulait avant tout éviter un éclat, qui, colporté le lendemain dans le Paris des Cercles et peut-être même dans tout Paris, compromettrait le Granty en même temps que la réputation de son président. Cependant, bien que Dantin se fût conformé à cette instruction, plus d'une fois, il avait regardé Adeline pour appeler son attention sur la table de jeu. Mais Adeline n'avait pas paru comprendre. Non, un homme qui ne veut pas, mais parce qu'il ne voit pas ce qu'on lui montre, et que par cela, il est dans l'impossibilité d'entendre ce qu'on lui insinue. Alors Dantin l'avait examiné, se demandant s'il avait affaire à un aveugle volontaire ou non, et si vraiment le président et le gérant ne faisaient qu'un. Il s'éloigna un peu de la table et tout bas il dit à Adeline qu'il voudrait bien l'entretenir pendant 2 ou 3 minutes. « Vous avez vu quelque chose ?» demanda Adeline, anxieux. Dantin fit un signe affirmatif. Ils passèrent dans le cabinet du président et Adeline referma la porte avec soin. « Qu'avez-vous vu ? Parlez bas. » « J'ai vu que le croupier a étouffé de 45 à 50 louis, rien que dans les 3 dernières banques. » répondit Dantin en sifflant ses paroles du bout des lèvres. « Que voulez-vous dire ? » murmura Adeline. « Je n'ai rien vu. Je vais vous reconstituer les tours. Et quand nous rentrerons dans la salle, comme vous serez prévenu, vous les verrez se répéter si c'est toujours le même croupier, car il les réussit trop bien pour ne pas les recommencer. Mais c'est Julien. » Cela fut dit d'un ton de surprise indignée qui signifiait clairement que Julien était la dernière personne qu'Adeline aurait cru capable d'étouffer le plus petit louis. « Vous avez donné l'habit à vos croupiers, » continua Dantin, « et c'est une sage précaution qui prouve que celui qui leur a imposé ce vêtement connaît les habitudes de ces messieurs, et sait comment, avec l'argent qui leur passe par les mains, il leur est facile de laisser tomber un jeton dans la poche de leur jaquette ou de leur veston. Mais on aurait dû en même temps leur imposer une cravate serrée au cou. Pourquoi donc ? Pour les empêcher de faire glisser des jetons dans leur chemise. Rappelez-vous le col de Julien, il est très lâche, n'est-ce pas ? Et la cravate est lâche aussi. Alors, qu'arrive-t-il ? C'est que Julien, qui respire difficilement, paraît-il, surtout au moment où il paye ou quand il rend de la monnaie, passe sa main dans son col pour l'élargir, et laisse alors glisser dans cette ouverture un jeton qui s'arrête à sa ceinture. Il a fait ce geste 3 fois, 6, 3 louis. Comptez-les. De même qu'il éprouve le besoin de respirer, il éprouve aussi celui de se moucher. 2 fois, il a tiré son mouchoir, mais 2 mouchoirs différents, et chaque fois il a fait passer un jeton de sa main gauche, où il le cachait, dans le mouchoir qu'il a replié et remis dans sa poche, 6, 2 louis. Et personne n'a rien vu, s'écria Adeline, ni le gérant, ni le commissaire des jeux. C'était le moment pour Dantin de ne pas s'aventurer. Je dois dire que tout cela a été fait très proprement, avec adresse. Voyez-vous les tours d'un bon prestidigitateur ? Continuez. 2 fois, il a demandé de la monnaie. La première, le change a été fait loyalement, on lui a rendu la somme qu'il donnait. Mais la seconde, quand il a tendu une plaque de 25 louis par-dessus son épaule, il en tenait 2 dans sa main, et c'est seulement la monnaie d'une qu'on lui a rendue, 6, 25 louis. Mais Lord Théodore serait son complice ? Dame, ça se voit tous les jours. Maintenant, passons à la dernière opération. Vous avez dû remarquer un pont face à droite, un monsieur à barbe rousse. Eh bien, il l'a payé 2 fois. La première, en commençant par lui, il lui a payé sa mise de 5 louis, puis en finissant, il est revenu au monsieur Roux, et alors il lui a payé les 10 louis que celui-ci avait laissés sur le tapis. 6, 15 louis. Vous voyez que mon compte est exact ? au moins le compte de ce que j'ai vu. Adeline était atterrée. Dans mon cercle, murmurait-il, dans mon cercle, chez moi, de pareils misérables. Dantin se dit que si ce président ne valait pas mieux que d'autres qu'il avait connus, en tout cas c'était un habile comédien qui jouait admirablement la douleur indignée. Aussi, que cette douleur fût ou ne fût pas sincère, était-il prudent de paraître la prendre au sérieux. « Mon Dieu, monsieur le président, permettez-moi de vous dire que ce qui arrive chez vous se passe dans bien d'autres cercles. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas des croupiers honnêtes, c'est très possible seulement. Comme dans notre profession ce n'est pas les honnêtes gens que nous voyons, j'en connais plus d'un qui vaut le vôtre. C'est qu'il est mauvais de manier sans contrôle possible de grosses sommes qui semblent à un moment donné n'appartenir à personne. Pourquoi celui qui les distribue n'en garderait-il pas une part pour lui ? C'est comme cela que tant de croupiers font en 2 ou 3 ans des fortunes étonnantes, que ne justifient ni leurs appointements plus que modestes, ni le tant pour cent qu'ils touchent sur la cagnotte, ni les gros pourboires de 20 à 25 louis que certains banquiers leur donnent, on ne sait pourquoi, si ce n'est peut-être pour les remercier de les avoir volés proprement. Ils sont partis de bas, garçons de café pour la plupart, valets de pied, ils ont vu le jeu et l'ont appris avec ses adresses. Un jour, qu'un croupier manque, ils le remplacent et font comme ils ont vu faire leurs prédécesseurs. En 2 ou 3 ans, ils sont riches, à moins qu'ils ne soient joueurs eux-mêmes. À Pau, à Biarritz, quand vous voyez une charrette anglaise brûler le pavé, tirée par un cheval de prix, et chercher à accrocher toutes les voitures qu'elle rencontre, ne demandez pas à qui. C'est à un croupier. Les plus belles villas, au croupier. Les plus belles maîtresses, au croupier. À Paris, voulez-vous que je vous en nomme qui lavait la vaisselle, il y a 5 ans, et qui aujourd'hui des galeries de tableaux de 500 ou 600 000 francs. Ça ne se gagne pas honnêtement en quelques années, ces fortunes. Alors surtout quand on a autour de soi des mangeurs, qui vous en dévorent une grosse part, car on n'opère pas ces voleries sans que d'habiles gens vous voient, et il faut partager avec eux. Le monsieur Roux payé 2 fois était un mangeur. Et si j'allais dire à votre croupier ce que j'ai vu, soyez sûr qu'il m'offrirait une part de ce qu'il a gagné pour me fermer la bouche. C'est ainsi que les croupiers ont autour d'eux toute une bohème, qui vit d'eux tranquillement, sans danger, sans rien faire. Allez un jour dans le café où se réunissent les croupiers à côté de Saint-Roch, et si vous les entendez se plaindre, vous verrez comment on les fait chanter. Adeline restait accablée. « Est-ce tout ce que vous avez vu ? » demanda-t-il enfin. Dantin hésita un moment. « N'est-ce pas assez ? » dit-il sans répondre franchement. « Eh bien, retournez dans le salon du baccarat. » Et reprenez votre surveillance. Je vous rejoindrai tout à l'heure.